vous en prie, trouvez ma femme. Mais n'appelez pas mes parents. Je ne supporterai pas leurs larmes. Ma mère aurait peur de mon sang. Vous trouverez son téléphone tout au fond de la boîte à gants. Et si l'adresse est encore bonne, dites que j'ai eu un accident. Qu'un flic arrête les sirènes, puis que s'en aillent les hommes en blanc. Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne, mais reste-t-il un survivant? Je vous en prie, trouvez ma femme, mais n'appelez pas mes parents. Je ne supporterai pas leurs larmes. Ma mère aurait peur de mon sang. Pourquoi cette femme m'insulte-t-elle? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et qui est l'homme à côté d'elle, qui la soutient, qui la supplie? J'espère que je n'ai tué personne. Ma vie ne vaut pas une vie. Mon étoile n'était pas la bonne. Tant mieux si ce soir c'est fini.